guérissais par les sangs, rejetée par les sangs. Mais quel miracle, Jésus m'a aimé. Calomniée par les femmes, méprisée par les hommes. Mais quel miracle, mon roi m'aime comme ça. Quel miracle, un roi m'a aimé. Mais quel miracle, Jésus m'aime comme ça. Comme la femme adultère, il peut être lapidée. Mais quel miracle, Jésus-Christ l'a sauvé. Mais quel miracle, Jésus est très bon. Quel miracle, Jésus m'a aimé. Mais quel miracle, Jésus m'a choisi. Quel miracle, un prince m'a choisi. 100% accusé. Merci.